Et oui, vos réanimateurs préférés sont de retour ce soir après une pause bien méritée. Du moins pour moi, qui doit supporter l'ignoble gobelin, de même que ses actes de cauchemarderie. Et pour célébrer comme il se doit ce retour, nous vous proposons ce soir une édition du Undead Incorporated Show, remplie de rien de moins que d'une programmation très ordinaire. En contrepartie, cette émission sera comblée par les absurdités et incohérences de Sinistros. Et ça, croyez-moi, c'est amplement suffisant. Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin et son assistant, surtout parce qu'il y a le mot assistant dans cet énoncé. Et c'est ici que vous devrez prier pour ne pas y survivre, enfoiré de mes deux. Cause fear is our fucking business. We are Undead Incorporated, cause Pendragon fucking said so. Go. Yeah!

WhatsApp. Je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de l'animation en ce 13 août de l'an de disgrâce. Et en cette nouvelle saison. Tais-toi, t'es pas ouvert encore. L'an de disgrâce 2013, je suis le Dr. Payne Pendragon. Puis l'autre comique en arrière qui essaie de parler quand c'est pas son temps, c'est Sinistros. Ah, ben, je voulais passer par-dessus toi, mais ça a pas marché. Tu peux passer par-dessus moi, mais pas par-dessus la console. Pas par-dessus le piton. Okay. Non. Qu'est-ce que tu disais? Je disais que dans cette nouvelle saison de réanimation. Oui, parce que, en fait, on va clore cette saison d'été, par contre, pour entreprendre sous peu la saison d'automne et d'hiver et ainsi de suite. Hein? Bah, ouais, on met de la musique très diverse, ouais, c'est ça. Tout à fait. Hey, comment ça va? Ben, c'est pas pire, à part que les vacances sont passées en claquant les doigts. Oui, ben, j'ai un truc pour toi. Claque plus des doigts. C'est cela. Ouais. Vous essayez de claquer des orteils, tu vois, c'est plus difficile. C'est plus difficile, ça passe. Ouais, ça passe les moins vacances vont être plus longues, ouais, effectivement. T'es en forme? Oui, pas pire. Oui. Pas rien de nouveau, l'horizon? Non. Non? Non, rien que du vieux. Bon, ben, c'est toujours plus facile de négocier que du vieux que du neuf. Ça dépend des voix. Ça dépend de quel vieux tu parles. Oui, c'est ça. Il y a des vieux, des fois, qui sont bornés pour moi. Effectivement. Eh oui, nous sommes de retour après 5 semaines d'absence. Et ne vous réjouissez pas trop vite, parce que déjà, la semaine prochaine, nous repartons. Pas en vacances, évidemment pas. Mais il y aura des travaux de rénovation ici même dans cette morgue que nous opérons, qui sert en même temps de studio. On va avoir des nouvelles tables de décapitation, c'est le fun. Oui, quelques nouveaux hachoirs et peut-être un écarteleur si on est gentil. Mais ça reste à voir, parce que nous ne sommes pas gentils. Mais effectivement, il y aura des travaux, donc nous pourrons nous présenter ici même à l'émission de la semaine prochaine. La prochaine édition de réanimation, après ce soir, sera le 27. Mais le 27, moi, en ce qui me concerne, j'aurai des choses intéressantes à vous proposer. Moi aussi. Je vous en reparlerai un peu plus tard dans l'émission. Mais pour l'instant, ce premier bloc de retour était constitué de ce qui suit. À l'instant même, Testament et la pièce Native Blood, que l'on retrouve sur la dernière parution de cette formation américaine, soit Dark Roots of Earth, qui est paru en 2012 sur Nuclear Blast. Auparavant, nous avons Destruction, formation allemande, et la pièce Carnivore, que l'on retrouve sur Spiritual Genocide. Là aussi, la dernière apparition de cette formation qui donne dans un trash metal, mais je vous dirais par moment beaucoup plus heavy que trash. Et moi, personnellement, ça me plaît bien. Satan et la pièce, l'excellente formation Satan, devrais-je dire, avec un... excellent album. Un très beau retour en force, l'album étant Life Sentence, qui est paru en 2013, et on parle de plusieurs années qui les séparent du dernier album. La pièce étant Incantations, que l'on retrouve sur ce très bon album Life Sentence, qui est sur l'étiquette Listenable Records. Et nous avions ouvert avec Voivod. Et encore ici, c'est la dernière parution de cette formation légende métal canadienne Target Earth. Et la pièce étant Resistance, c'est sur l'étiquette Century Media. Et cet album-là, il est très bon. Ceci étant dit, justement, on va faire un petit spécial, on va parler immédiatement de spectacle, parce que Voivod est à propos. Hein, ah, bien sûr! Parce qu'effectivement, vous avez vu probablement vous rendre compte que Trois-Rivières Metal a annoncé quels étaient les alignements, le bill, si vous préférez, dans le jargon, de ce qui serait le Trois-Rivières Metal Fest 2013. Et Voivod s'y retrouve! Hooray! Yes! Donc, on va y aller de ce pas et on va vous dire ce qui va se passer et se commettre à la bâtisse industrielle les 11 et 12 octobre prochains. Le vendredi, le 11, vous pourrez entendre une formation Metal Academy. Ça, je crois que c'est le gagnant. C'est le gagnant de... C'est le frère Astar. Le frère Astar, c'est ça. Metal Academy, je crois que ce serait une formation qui aurait été le retenue ou gagnante du concours, effectivement. Donc, dans le cadre de Metal Academy. On Human, Hollow, Beyond Creation, Blackguard, Jungle Rot, Voivod et Suffocation, que nous entendrons un peu plus tard dans l'émission. Et tant qu'au samedi 12 octobre, Hear My Words, Insurrection, Battle Cross, The Acacia Strain, Shadows Fall, Obituary et Hatebreed. Donc, le coût des billets est de $35 soir unitaire et de $60 pour les deux soirs. Vous pouvez vous rendre sur le trois-rivières-metal.com pour aller vous chercher les informations au niveau des spectacles qui seront présentés ces deux soirs-là et aussi pour l'information pour l'achat des billets en ligne. Mais c'est une bonne nouvelle parce qu'il y a d'excellents bands qui... Mais moi, je suis très content de pouvoir voir Obituary. Oh, j'ai oui. Jamais eu l'occasion de voir cette formation. Ben, moi non plus. Suffocation non plus. Moi non plus. Parce que lorsqu'ils étaient venus au Trois-Rivières Metal, nous étions en Skinny Puppy. Eh oui. Donc, on va pouvoir se reprendre. Voivod, c'est toujours un plaisir de les voir. Oui, Jungle Rot, ça va être une deuxième fois que je vais les voir. Ouais, effectivement. Moi aussi, ça risque d'être très bon aussi. Bref, Insurrection, je suis toujours content de les voir. Toujours, toujours, toujours. Bref, il y a des bandes là-dedans que je ne connais pas. Ben, Beyond Creation, ça risque d'être très excellent. Onion aussi, ça risque d'être très excellent. Je ne les connais pas. Battlecrush, je connais au niveau à studio, mais spectacle, j'ai aucune idée de ce que ça peut ça donner. Devrait faire la job, là, je présume, ouais. Et puis, bon, Hatebreed, je suis certain que ça va plaire à plusieurs personnes. Moi, je suis pas un fan de core. Ben, live, ça doit être quelque chose, par exemple. J'imagine que c'est quelque chose à voir. Exact. Effectivement. Donc, ça sera évidemment un événement à ne pas manquer. Ceci étant dit, je vous parlerai, parce que j'ai de nombreuses chroniques cinéma à vous parler, parce que durant les vacances, j'ai regardé quelques trucs. J'ai quelques trucs musicaux aussi à vous, je dirais, comment on pourrait dire, chroniquer. Oui, c'est ça, chroniquer. Et puis, sans compter le fait que je devrais légèrement me reprendre pour les 5 semaines d'absence et tabasser un peu Sinistrose. Ah, cool. Je le ferai live, d'ailleurs, pour vous remettre un peu dans le mood de cette émission. Seigneur, ça fait longtemps, me semble que... Ça devait te manquer, hein? Je suis dû. Toi, ce soir, là, qu'est-ce que tu as à nous proposer? Ben, pour faire suite à ton super bloc... C'est plate. Suivre ton blog de heavy trash metal, ben, j'ai décidé de suivre la mode Pendragon et faire de même. Mais c'est pas bon ce que tu passes, toi, là. C'est jamais bon ce que je passe. Non, je regarde ça, là, de A à Z, là, il y a à peu près juste les lettres X que je trouve pas pire. H qui est pas pire. Alors, on va y aller avec Accept, avec une pièce qui s'appelle Hellfire. C'est tiré du dernier album Stalingrad, qui est paru en 2012 sur Nuclear Blast. Nous aurons également Ghost, Anvil, Hell et Motorhead. Allons-y tout de suite avec Hellfire, Accept, et Animation. J'accepte. Go. We'll be right back.

19h55. Vous êtes toujours à l'écoute de Réanimation, The Undead Incorporated Show sur les ondes de CIFU 89.1 FM, votre radio campus ici même à Trois Pistoles. Ah non, c'est Trois-Rivières, c'est vrai. Ouais, Trois Pistoles, c'est plus loin là-bas. C'est un peu plus loin, hein. Ouais. Motorhead, avec Devils in My Head, qui tirait The World is Yours, paru en 2010 sur UDR Music. Vous savez, Lemmy a dû écourter son set du Wacken de 45 minutes dû à un malaise. Est-ce que nous avons... Ils disent de pas s'inquiéter, mais moi je me dis, quand un gars de cet âge-là écoute son set de 45 minutes, ils ont peut-être mieux de s'inquiéter un petit peu. Là. Moi, je crois honnêtement que la carrière de Motorhead est en train de se terminer. Ben, c'est peut-être... Ils sont peut-être mieux de finir... Ben, il a jamais écouté son médecin, ce gars-là. Non, non. Ben, là, ben, il avait été mis au repos de façon assez catégorique, puis il a décidé qu'il recommençait avant le temps. Je pense que Lemmy n'est malheureusement pas ce qu'on croit qu'il est, un immortel. Ben, en tout cas... Le contraire. Effectivement. Et je pense que, malheureusement, je dois le dire malheureusement, parce que c'est un de mes bands préférés, Motorhead. Mais c'est peut-être mieux d'arrêter pendant qu'ils sont au top. Là. Ils ont toujours été quand même au top. Je crois qu'il n'arrêtera jamais. Je pense qu'il va mourir sur scène. Bon, tant mieux. C'est sa volonté, je pense. C'est sa vie. Puis malheureusement, par contre, ce qui serait triste un peu pour les fans, c'est de voir un déclin. Puis de pas pouvoir voir... ce que Lemmy veut nous donner, mais à 100%, tu comprends? Bon, ouais. Ça serait peut-être bien, comme tu dis, peut-être de au moins prendre un certain recul. Là, pis... Prendre un break, tout vaut bien. C'est ça, effectivement. Tout juste avant, on a eu Hell, avec Let Battle Commence, tiré de Human Remains, qui est paru en 2011 sur Nuclear Blast. Anvil, avec On Fire, tiré de Juggernaut of Justice, de 2011 sur Steam Hammer. Je sais pas si vous avez écouté le dernier album d'Anvil. C'est mais ce que je vais te poser comme question. Il est pas mal moins bon que... Je l'ai trouvé correct, Il y a la moitié de l'album qui est quand même très bon, mais l'autre, il aurait juste dû faire un EP avec ça. Pas faire un album plein. Moi, honnêtement, pas un fan invétéré d'Anvil. Non, moi non plus, mais tu sais, sur, mettons, 12, 13, 14 chansons, il y en a peut-être 5, 6 qui sont intéressantes, là. Moi, je l'ai trouvé correct, mais c'est pas un album qui m'a... Ben, il est pas comme Juggernaut of Justice. Ben, écoute, même, en fait, Juggernaut of Justice, je l'ai même pas écouté depuis un sacré bout de temps. Mais je pense que... Par contre, écoute, c'est pas du mauvais heavy metal. Non, non, il y a des très bonnes pièces, l'album. Là, c'est... Mais c'est pas très égal. Non, c'est pas égal. Comme je dis dans ma chronique... il aurait peut-être dû faire juste un mini-album. Peut-être, mais leur contrat leur permet peut-être pas ça. Peut-être pas. Ghost avec Elizabeth, tiré du premier album Opus Eponymous, qui est paru au début 2011 sur... Ben, en 2010 sur Rise Above et 2011 sur Century Media, Metal Blade. C'était toute une révélation, Metal Blade, effectivement. Metal Blade. Oui. Et Accept avec Hellfire, tiré de l'album, l'excellent album Stalingrad de 2012 sur Nuclear Blast. C'était bien ça, mon ami. C'était bien. Puis c'est bien que ce soit fini aussi. Bon, la semaine dernière, je suis là, on était même pas là. En début d'émission, je disais que la semaine prochaine, on sera pas là. Donc, la semaine de l'émission du 27, j'aurai deux présentations à vous faire. Deux nouveautés, soit le nouvel album... Excusez-moi, j'ai débranché accidentellement quelque chose. Soit le nouvel album d'Exhume. Que j'ai pas eu la chance d'écouter. T'as pas eu la chance d'écouter. Écoute, moi, je suis correct, là. Necrocracy, qui est sur Relapse. J'aime bien ce que font Exhume, généralement. C'est du grind, ou ben non, c'est plus un peu. Eux autres font du dead gore. Fait que c'est tu dans le tapis tout le temps? Ouais, c'est souvent dans le tapis, mais souvent, tu vas retrouver des bons riffs. Des riffs plus, tu sais, je dirais, quasiment dans le 4-4, là, par moment. OK. moi, j'aime bien ce qu'ils font généralement, Exhume. Pas parce que je suis pas un fan des invétérés, mais je trouve que c'est un métal correct, là, dans la catégorie du death. Celui-là, Necrocracy, je l'ai trouvé acceptable. Comme je dis, c'est rien de nouveau, c'est du Exhume, correct, bien fait, mais rien qui se démarque, comme souvent sont les albums d'Exhume. Ça mérite un 7 sur 10. Pour moi, c'est pas plus, mais il y a quand même des choses intéressantes. Je vais le présenter le 27 à l'émission du 27. Mais par contre, ce que j'ai pu écouter jusqu'à présent, et que je présenterai également le mardi 27, et qui sortira le 30, c'est le nouveau Gorgoth's Colored Sands. De ce que j'ai entendu, c'est très, très bon. De ce que j'ai entendu, j'ai été très, très, très épaté de entendre. En fait, j'ai entendu une pièce, puis j'ai dit, aïe, aïe, c'est vraiment du bon Gorgoroth. Oh, oui, c'est vraiment bon, là. Ceux qui ont aimé Obscura seront certainement pas déçus. C'est dans la même veine qu'Obscura, s'il y a des côtés très, très planants, des côtés très techniques, très, très martelants, mais tout s'entremêle assez bien. Puis je pense, honnêtement, tu te rappelles quand on les a vus au Metal Fest, c'était un excellent spectacle. Ben, moi, ça a été une révélation pour moi, là. Moi, je les avais jamais vus live. Gorgoroth, je connaissais le band pour avoir des albums. Je connaissais même pas le groupe, okay. Pour ce qu'ils faisaient, là, tu sais. Moi, je connaissais bien. J'en passe à l'occasion à l'émission. Mais, faut que je me rende à l'évidence. Honnêtement, je pense que Luc Lemay, c'est tout un compositeur. Ça, oui, c'est un compositeur. C'est tout un compositeur. C'est un gars qui, puis ne prend pas les chemins les plus simples non plus, là. Ben, c'est tant mieux. Ouais, absolument. Tout à fait. Donc, je vous présenterai quelques pièces de Colored Sands, qui apparaîtra sur Season of Mist. Moi, j'aurai deux présentations aussi, soit les groupes Tormented et Facebreaker. Qui donne dans un? C'est, les deux, c'est un death martelant, là, à la Jungle Rot, à Body Farm, okay. Cold Worker et compagnie, là. D'accord. Bon riff, là, de bon death trashy, là, tu sais, qui, pour se rentrer dedans. Bon, mais ça veut dire que les auditeurs auront juste à prendre leur mal en patience parce que on va sauter une émission, mais ils auront quatre présentations à ce moment-là. Ben, c'est ça. Fait que, bon. Écoutez, pendant les semaines d'arrêt de réanimation, c'est-à-dire 5 semaines, on se cachera pas, Sinistros ni moi avons été en vacances pendant 5 semaines de nos occupations régulières, c'est-à-dire écorcher les gens et déterrer les cadavres. Non. Non, mais même si on aurait voulu. Ben voilà. Mais quand même, pendant les semaines de vacances proprement dites, je me suis tapé quelques trucs au niveau du cinéma. Avant d'y aller avec les chroniques, je voudrais vous dire que présentement, le film Elysium est en salle. C'est les mêmes qui ont fait District 9. C'était avec Matt Damon. J'ai vu les previews. C'est un film de science-fiction. Mais ça allait cool. Ça allait cool. Ouais, parce que District 9, c'était à chier, là. C'était vraiment pas bon. Moi, j'ai pas aimé ça. Ah, c'est vraiment pas bon. C'était vraiment pas bon. Les previews d'Elysium ont l'air d'être bien. C'est encore une histoire d'extraterrestre. Ça a l'air pas pire. Le 13 septembre, il y a Insidious 2. Chapter 2. Est-ce que t'avais amené le premier, film Insidious? Quoi, ça, donc, avec le petit enfant, là, qui, Ouais, ça me dit de quoi, là, mais en tout cas. C'était pas vilain. Donc, le. Ah, oui, ok, oui, c'est beau. Tu te rappelles? Oui. Je pense que c'est James Wan qui avait fait ça, d'ailleurs. Oui. C'est lui-même qui a fait, les décadences et compagnie. C'est le 13 septembre pour Chapter 2 pour Insidious. Le 4 octobre, c'est Gravity. J'ai vu les previews avec George Clooney. C'est une équipe spatiale qui... Y a donc, on a-tu un trip espace? Il me semble que depuis une couple de mois... Absolument, il y a vraiment un trip espace. une équipe qui est sur une espèce de base spatiale en orbite. Je pense qu'il y a un astéroïde qui frappe la base, puis ils sont coupés de tout, puis ils sont errants dans l'espace. Ah, ça a l'air pas mal que se passe 1999, ça. Ça a même l'air de perdu dans l'espace. Ça, c'est le 4 octobre et le 8 novembre. Thor. Ah oui, ça va être intéressant. Ça va être intéressant. Le deuxième Thor paraîtra au grand écran. Donc, si je reviens à ce que j'ai écouté durant les vacances, eh bien, je sais que t'es pas un fan de Tom Cruise, loin de là. J'ai pas écouté Oblivion. Ben, écoute-les pas! Ben, c'est ce que j'ai entendu dire pendant mes vacances. Écoute-les pas. Oblivion, c'est une des dernières apparitions de Tom Cruise. C'est un film de Joseph Kosinski. C'est un film de science-fiction. Là aussi, c'est un film spatial. La Terre a été ravagée par des extraterrestres, les ressources naturelles, et ainsi de suite, patati patata. Une groupe de scientifiques décide de s'exporter vers... C'est-tu Mars? Je me rappelle plus si c'est Mars. Peu importe, en fait, ils vont vivre, ils ont des bases qui sont flottantes pour exploiter le je pense l'hydrogène, l'hélium d'hydrogène, quelque chose comme ça qui leur permet d'avoir des ressources naturelles, puis ainsi de suite. Je dis, ouais, le scénario a l'air intéressant, bon, c'est correct, c'est cool, mais c'est pas bon. C'est long, il se passe rien, puis ça se passe rien. Puis je vous conseille pas d'avoir Oblivion parce que vous allez vous ennuyer. C'est pas un bon film. C'est ce que j'avais cru comprendre. Dans un autre ordre d'idée, un film avec Colin Farrell, qui est un... Oui, ça, c'était bon, par exemple. Dead Man Down. T'as-tu vu ça? Moi, j'ai aimé ça. T'as aimé ça? Oui. Bon. Moi, j'ai donné un 7.5 sur 10. J'ai trouvé ça quand même, assez bon. Colin Farrell, je suis vendu d'avance. Généralement, je pense que le dernier film qu'il a fait, il a comme trouvé sa voix d'acteur, oui. Là, puis je pense que c'est bon. C'est un film de gangster. OK? De oui. Caïd, de gangster. Oui. C'est un film de magouille en même temps. c'est adroitement mené, je trouve. Par contre, je trouve qu'il y a certaines longueurs qui auraient pu être facilement éliminées ou remplacées par quelque chose d'un petit peu plus, Mais là, c'est pas ma préférée, avait un peu plus de contenu. Oui, toi, parce qu'il faut dire que Naomi Rapace joue dans le film et c'est l'actrice préférée de Sinistros. Mais bref, Dead Man Down, qui est un film de Neilander Oplev, se mérite amplement pour moi un 7.5 sur 10. Et c'est un film, je dirais même, qui serait même intéressant à redécouvrir avec une deuxième écoute, probablement. Ben, dans quelques mois, effectivement. Effectivement. Ben, moi, j'ai trouvé ça très bon, là. 7.5, 8 sur 10, c'est très bon. Bon. Voilà, on s'entend bien là-dessus. Écoute, je vais peut-être te surprendre, mais écoute, je suis un gars curieux. Je suis un gars curieux, surtout au niveau du cinéma. Puis je me suis dit, ben, OK, un film avec Sylvester Stallone, je vais écouter ce que c'est. Je ne l'ai pas écouté encore. Bon, écoute, ça s'appelle... Bullet in the Head. Bullet to the Head, ouais. C'est bon. Ben, honnêtement, c'est distrayant. C'est distrayant. Je te dis pas que c'est un film que je vais avoir le goût de réécouter souvent, mais c'est très distrayant. C'est un film qui met en vedette Sylvester Stallone, Sung Kang et Jason Momoa, qui joue aussi Conan, okay. Joue le temps de Conan. Et c'est un film d'action, bien entendu. Sylvester Stallone est un tueur là-dedans. C'est une espèce de ripou, mais avec un certain côté de, pas de remords, mais de repentance, si on veut. Il se fait comme trahir un petit peu. Puis il y a quelqu'un qui est mis à ses trousses pour l'abattre, et c'est Jason Momoa, qui est un espèce de psychopathe, de psycho-killer, si on veut. Honnêtement, Sylvester Stallone, j'ai trouvé que c'était un peu clown. Ben, t'as-tu vu Expendables 2? Oui. Moi, j'ai trouvé ça bon. honnêtement, moi, je me suis ennuyé, OK? Mais c'est un film... C'est un film d'action puis d'explosion. Mais t'aurais pas le goût de les réécouter, je te presse. Non, je l'écouterai pas une autre fois. Celui-là, c'est beaucoup plus... C'est plus... Ça se tient, tu comprends? C'est okay. Plus assemblé de façon intelligente. Puis moi, honnêtement, je pense que c'est un de ses meilleurs rôles. Ah. Crédible. Joue pas à quelque chose... Un peu comme Schwarzenegger dans le dernier film qu'il a fait. Exactement. Tout à fait. Peut-être que les gars ont dit, bon, là, on a fait assez les pop stars, là. On va peut-être faire de quoi qui reflète un peu plus que ce qu'on est vraiment. Bon. Fait que Bullet to the Head, c'est un film auquel je donne un 7.5 sur 10. Ben, j'ai hâte d'écouter ça, mais écoutez ça. Puis, c'est distrayant. Honnêtement, c'est distrayant. Un autre film, j'en ai pour plusieurs. Et ça, c'est un film que j'ai écouté le week-end dernier, qui s'appelle Iron Sky. J'ai plusieurs films sur ma table de salon qui sont même pas débouchés encore. Ils sont un en arrière de l'autre. Lui fait partie de ça aussi, Iron Sky. Ben, j'attends. Écoute, je te le dis tout de suite. Moi, c'est un film, j'en ai un 7 sur 10 parce que j'avais vraiment aucune attente. Je me disais, ça va sûrement être boboche. Mais si t'aimes le côté kitsch un peu des films de science-fiction des années 50 et 60, ouais, tu vas retrouver ça là-dedans. Ah, c'est cool. Un peu comme Mars Attack, il avait fait... Un petit peu, avec moins de budget. Oh, ouais. OK, parce que c'est un film de série B, disons-le, peut-être même C, là. J'irais peut-être même jusqu'à des rigueurs. Mais, grosso modo, c'est le Troisième Reich qui a été défait. Puis quelques-uns ont réussi, avec les grands penseurs allemands de l'époque, de créer des fusées, de s'en aller sur le côté caché de la Lune. Rebâtir un quatrième Reich, d'attendre des années que leur technologie soit développée pour être capable de réenvahir la Terre. Fait que jusque-là, ça fait un peu boboche. Puis en lisant le scénario, je me suis dit, mais c'est vraiment clown, là, tu sais. Mais je me suis dit, bon, je vais l'écouter. Puis j'ai trouvé ça correct. J'ai trouvé ça correct parce que t'as vraiment un aspect des années 50-60, ben, je dirais même plus 40, si on veut, qui est reflété dans le film. Les acteurs sont pas extraordinaires, mais c'est correct, mais c'est l'ambiance du film qui s'en dégage, qui devrait être... que les gens devraient trouver intéressante. Fait que Iron Sky, pour moi, c'est un 7 sur 10. Puis je pense que c'est un film que je vais me plaire à réécouter éventuellement. Que penses-tu de Fringe Final Season? J'attends de finir mon Dexter saison 7 et okay. Je me lance là-dedans. Bon, je l'ai pratiquement terminé. Dis rien. Non, je dirai rien. La seule chose que je vais dire, c'est que c'est une bonne saison. Tant mieux si c'est la dernière. Ben, c'est la dernière. Il l'avait dit, il faisait 13 épisodes, puis il arrêtait ça pour pas scraper la série. Bon, ben, il est borderline. OK. Il est borderline. Et malheureusement, moi, un des acteurs que j'aime beaucoup là-dedans, John Noble, qui joue Walter Bishop, c'était quelqu'un, un personnage tout à fait coloré, intéressant. Dans ça, il est un peu plate. Puis on il donne même l'impression que John Noble est ça comme... Ça étonne plus. OK. Joshua Jackson est très bon. Aussi, t'es encore pas pire. Oui, c'est correct. Mais on nous amène dans une sphère qui Est très hermétique, hein. c'est beaucoup moins éclaté, là. Non, ben là, c'est sûr et certain que là, ils sont plus dans leur époque qu'on a connue, là. Ils sont vraiment comme dans... Ils sont dans le futur. Ben, dans le futur, comme les, comme deux épisodes de la saison 4. Où ce qu'on les voyait, où ce qu'ils se ramassaient là, à un moment donné. Mais là, c'est l'ensemble de la saison qui se passe. Là, ils rencontrent leur fille, puis nanana, nanana. Exactement. Ça se passe en 2036, je pense. C'est vraiment correct, là. Mais honnêtement, c'est pas le même niveau que ce qu'on a connu avant. OK. OK? Mais ça devrait bien boucler la série. Je sais pas, j'avais parlé de la saison, de la série de Vikings. Ben, t'en as parlé un peu avant qu'on tombe en... C'est excellent, je te le conseille fortement. Série Viking, là, c'est vraiment une excellente série qui est concise en 10 épisodes. J'ai voulu l'écouter dans le fond, mais c'est parce qu'il y a juste une saison. Oui. Mais juste une saison, c'est parce que moi, ça, quand j'embarque dans quelque chose, moi, c'est plusieurs saisons. Ah non, mais il va en avoir d'autres, là. Oui, mais ça me tente pas d'attendre. Fait que j'aime peut-être mieux attendre quelques... un an ou deux, puis me clencher, s'il va y avoir de fait en fait. Ah, ben, moi, je te dirais que, mais honnêtement, cette série-là te laissera pas sur ta faim, là. Tu vas être capable d'attendre l'autre saison sans problème, là. J'ai pas envie qu'ils fassent comme ils ont fait avec Alcatraz, puis que... Non, commence à embarquer dans la saison, puis qu'ils... Non, c'est correct. En fait, je te dirais que ça aurait pu être même un film décousu, découpé en 10 épisodes, c'était correct, là. On sait qu'il va y avoir une suite, mais t'attends pas nécessairement qu'il y en ait vraiment une, là, tu sais. Fait que Viking, c'est correct. C'est vraiment, c'est très, très bien fait. Écoute, j'ai été un petit peu déçu parce qu'ils avaient annoncé initialement que 300 Rise of an Empire devait sortir en 2013, mais il va sortir juste en mars 2014. Ça, je trouve ça vraiment poche. Le Wolverine, qui est en salle présentement, qui a vraiment des bonnes cotes. Ça, c'est indéniable. Ça a l'air que c'est vraiment bon. Ça se passe au Japon avec des ninjas. Ben, mais ça a l'air que c'est vraiment cool. Ouais, ça a l'air que c'est cool. Je vous rappelle que Sin City, Them to Kill... La suite du premier sera en salle le 4 octobre, soit dans très peu de temps. Et le 13 septembre, c'est Machete Kills. Le premier était vraiment très, très cool. Je t'avais parlé avant de partir en vacances de Hammer of the Gods, qui est un film qui parle justement de Vikings et compagnie. Là, ben, oublie ça. C'est pas bon. C'est pas bon. On n'en parle plus. C'est pas très, très bon. Grande déception pour moi de l'été. Mon frère m'a dit la même chose. Evil Dead, le remake Evil Dead de M. Alvarez. Écoute, j'ai donné 0 sur 10. C'est fun. C'est nul, pourri. C'est vraiment un affront à l'original. Evil Dead, là, is the most terrifying film you will never experience. C'est de la foutaise. D'accord. C'est pourri. Pourri, perdez pas votre temps. C'est, oui, grand-mère, c'est pourri. Et le film que je vous recommande de découvrir ou de revoir, ben, c'est Fright Night. Ben oui, mais l'original. L'original. Pas le remake. Là. Avec Colin Farrell. C'est ça. Ouais. Le remake est pas très bon. Non. Mais l'original de 85, avec Chris Sarandon, Roddy McDowall et William Ragsdale, c'est un film de Tom Holland, ben, c'est encore très intéressant. Très, très, très, très, très, bon. Très le fun. Donc, Fright Night. T'as suivi la série Dexter? Ben, en fait, ma blonde a beaucoup plus suivi Dexter que moi. Moi, un peu. J'ai trouvé que c'était correct, mais écoute, ce genre de truc, honnêtement, j'ai la difficulté, moi, à m'investir dans 2-3 séries en même temps. Ah, c'est sûr que c'est difficile. C'est pour ça que moi, j'en écoute juste une. Quand elle finit, c'est un autre. Donc, tu vois, à l'époque où ma blonde a commencé à vouloir découvrir Dexter, ben je pense qu'on était déjà dans une autre saison, mais elle fait pas abstraction de ça sans problème. Ben, c'est bien à découvrir ça, mais moi, j'étais déjà campé dans l'autre. Donc, puis j'ai perdu le fil à un moment donné. Ben, écoute ça, tu vois, ça a de l'allure. Là, je suis rendu dans... Parce que à chaque saison, il y a un invité spécial tout le long de la saison, tu sais. Un acteur, tu sais, bon, comme dans saison 3, c'était John Lithgow. OK. Enfin, tueur de la Trinité. Dans celui-là, ça m'a pris du temps à le reconnaître parce qu'il a des cheveux puis qu'il est très bien fringué. Mais c'est celui qui fait Titus Poulos dans Rome. Ben, c'est lui qui fait aussi le Punisher. Ah, c'est-tu lui qui fait ben le oui, cheveux? Bon, ben mais là, oui. C'est parce que il a des cheveux, il fait un russe là-dedans, puis au début, c'est Titus Poulos. Ben oui, dans Rome. Il fait encore un méchant, puis là, il a l'air encore plus méchant. Mais c'est le Punisher. C'est rien qu'une petite anecdote comme ça. On va continuer en musique cette fois-ci avec une espèce d'amalgame entre le death, power death, le punk death, le grind... Le classique. Ouais, puis en tout cas, un paquet d'affaires d'amour. Le rock pop. Je penserais pas aller jusque-là. On va débuter avec Torture Killer, la pièce Phobia. Ça, c'est bon, vous. Oui. Go. way for the incinerator! Incinerator. In the Bible we look for a city to cook the beer. 20h29. Vous êtes toujours à l'écoute de l'animation des Undead Incorporated Show à l'antenne de CIFU 89 FM, votre radio campus. Et 7 à Trois-Rivières. Bon. Et 7. Drette là. On est en train de perdre notre trame de fond. Fait que fais-en une. Continue, t'es pas pire. Ah, j'aime ça. Ouais, j'aime ça. On vient d'attendre la formation Terrorizer et la pièce Radiation Syndrome que l'on retrouve sur Hordes of Zombies, dernière parution de cette formation qui perd en 2012 sur Season of Mist, qui mettait en vedette, entre autres, deux membres de Morbid Angel, soit le batteur Pete Sandoval et le bassiste chanteur David Vincent, en plus de la guitariste dont j'oublie le nom, qui a Katina. Ouais, genre style. Quelque chose de même. Moi, j'aime bien ça. Auparavant, nous avions fait l'attaque et la pièce Malaliste qu'on retrouve sur le dernier album, le deuxième album, Mir, qui est paru en 2013 sur Roadrunner. Hey, c'est super bon, ça. Oh, ouais, t'es cœur. Ça, là, c'est vraiment C'est éclaté, c'est. Tout à fait, oh, c'est ouais. Festif, c'est joyeux, puis en même temps, ben, c'est. C'est rentre dedans. C'est rentre dedans. N'importe et la pièce Incinerator. Incinerator, c'est une reprise, puisque. Qu'est-ce qu'on entend là, là? Hein, un carré. OK. Oh non, j'espère que non. Incinerator, c'est une reprise de la formation Canadian Slaughter. Formation qui vient, là, je vais vous le dire à l'instant, un petit instant, je me suis aventuré trop loin sur le... Hey, ça se peut-tu, hein, cette baboche de même? C'est pas grave, là. Album Strapado qui est paru Strapado, en 87. Strapado qui est paru en 87. Formation qui c'était pas extraordinaire. Si je me trompe pas, c'est tombé glam. Pas bien ben longtemps après. Ben c'est possible. Je peux pas te dire. Je me rappelle plus, honnêtement. Je me rappelle qu'à l'époque, j'avais l'album Strapado, puis je me rappelle la pièce Incinerator, qui était beaucoup moins musclée que la reprise de Napalm Death. Mais il reste que la reprise est excellente. C'est tiré de l'album Leaders Not Followers de 1999 sur Dreamcatcher. Et c'est un album qui ne faisait que des reprises de formations qui étaient principalement metal ou punk. Venomous Concept. La pièce Water Cooler qu'on retrouve sur Poison Apple, qui est paru en 2008 sur Century Media. Et là, ici, c'est un band qui regroupe, entre autres, le chanteur de Brutal Truth. On a, je pense que c'était, c'était pas Jesse Pintado de Napalm Death, mais on retrouvait un des membres, Shane Unbury, je pense, de Napalm Death, Dan Lilker. Qui, ouais, Nuclear Assault, Brutal Throat, c'est ça. Ils ont deux albums jusqu'à présent, puis c'est un style qui donne, je dirais, un metal punk, là, si on veut, en tant que tel. Là. Moi, j'aime bien cet album-là, c'est cool. Il y a des fois, c'est un peu plus Destroy, là, des pièces de 30 secondes. Ouais, mais bon. Et on est ouvert avec Torture Killer, formation européenne, et la pièce Phobia, de l'album Phobia, hein? Tirer l'étiquette Phobia, non, c'est pas vrai. Le groupe aux multiples chanteurs différents. Oui, effectivement, tout à fait. Je pense qu'ils ont cinq albums, ils ont cinq chanteurs. Même les musiciens, ça change un petit peu d'une fois à l'autre. C'est paru en 2013 sur Dynamic Arts Record. Ceci étant dit, côté musical, je suis rendu où, moi, là? Ici. Je suis content parce que je me disais probablement que cette bande-là fait plus rien, mais Necrophobic sortira un nouvel album le 22 ben, octobre. Ben, j'ai eu oui dire de ceci. Ben oui, puis moi j'aime cette bande-là parce que c'est extrême. Oh ouais, c'est cool. C'est extrême, c'est un death black, mais vraiment, tu sais, comme bleh! Ah, oh, c'est bleh, bleh. Effectivement. Donc, un nouvel album pour Necrophobic le 29 octobre. Panzer Christ, j'ai écouté le dernier album de Panzer Christ, Seventh Offensive. C'était pas mauvais, hein? Ben, les autres albums avant, oui, mais celui-là, me semble que... Mais c'est ça, j'ai pas rêvé, c'était pas mauvais avant, hein? Ben, avant, c'était pas mauvais, c'était pas la pote et non, non, mais tu sais, on crachait pas là-dessus pour en diffuser, non, parce que, oui, mais ça, celui-là, je sais pas ce qui se passe, c'est linéaire d'un bout à l'autre de l'album, c'est... J'ai l'impression que le drummer, il y a une switch et tout. Oui, effectivement. C'est très, très... Les riffs sont ennuyants, puis c'est... répétitif. Moi, j'ai donné un 5 sur 10 à... Oh, ça mérite pas plus, Écoute, formation du Danemark, c'est sur Listenable Records, Panzer Christ. Bon, honnêtement, faites-vous une idée vous-même. Mais Marie, c'est quoi, c'est Seventh Offensive? Il aurait pu laisser faire cette offensive. Effectivement. Ça fait pas très peur. Pour les collectionneurs et les amateurs de trash metal, spécialement de Slayer, ben, il y avait les B-Sides and Rarities qui étaient disponibles il y a peu de temps, qui est un album, qui le dit bien, B-Sides and Rarities. Moi, j'ai trouvé que c'était correct, là. C'était correct. C'est pour les collectionneurs. C'est pour les collectionneurs, parce qu'on s'entend qu'il n'y a rien de nouveau à l'Ouest, là. Faut que tu sois un gros fan de Slayer. Faut que tu sois un fan invétéré de Slayer, puis tu vas voir tout ce qui sort de Slayer. Ouais. Parce que c'est, selon moi. Il n'y a aucune toune de pas connue là-dessus. Non, là. Non, c'est pas essentiel, là, en tant que tel. Bon, t'as écoute. T'as passé par-dessus, Non, j'en avais parlé la dernière fois, celui-là, Monster Truck. Là, ok, oui, c'est vrai, excuse-moi. Que j'avais vu avec, Alice in Chains. C'est celui-là, je parle. Très, très bon. Ça, j'en parlerai une autre fois, je vais regarder. Bon, Exhum, j'en ai parlé tout à l'heure. Il y a Trouble, que je parlais la semaine prochaine, parce que là, quand même, on peut pas passer nos soirées à faire des discussions qui n'en finissent plus. Ben oui. Ben oui, on pourrait. OK. Trouble, de Distortion Field. Musicalement très bon, vocalement très pas bon. J'étais un peu d'accord. C'est pas très mal compliqué. Le vocal du chanteur fit pas pantoute avec la musique de Trouble. Le vocal est fatigant. Oui. Moi, j'ai donné quand même un 7 sur 10 parce musicalement, j'ai bien, j'ai trouvé ça très correct. Mais le chanteur, après une première pièce, oui, c'est devient pénible. Oui, oui. Ouais. Bon, écoute, c'est un groupe, disons, dans le Stoner Doom, c'est quand même le pionnier, un des pionniers, son si veut. Un des premiers, un des avec vrais, Candlemas. Tu sais, à voir, bon, il y a Sun Vitus qui l'avait fait aussi un petit peu avant, mais je veux dire, ça fait partie des pionniers du Doom. Puis, ben, c'est un vieux band, puis il y a eu beaucoup de changements. Puis, tu sais, je pense que ça s'est dilué avec le temps. Mm. C'est possible. Nouveau Ministry, qui va être disponible le 6 septembre. From Beer to Eternity, je trouve le titre... Apparemment, le titre est à chier. Le titre est poche. Le titre est vraiment poche. La pochette s'améliore pas ben ben non plus. Non, effectivement. Puis, quoique musicalement parlant, si ça reste comme le dernier, ça va être correct, mais c'est peut-être le temps que là, ils disent vraiment que c'est le dernier. Je pense qu'il faut tirer la plug, hein. Effectivement, je pense qu'il faut que le tire. Et le 9 septembre prochain, c'est le prochain album de Catatonia, Dethrone and Uncrowned. J'ai hâte d'entendre ça parce que j'avais aimé le précédent. Donc, pour les amateurs de, disons, métal très allégé qui tire sur le rock dépressif par moment, là. Ben, d'autres nouveautés qui s'en viennent aussi septembre. Oh, ouais. Il va y avoir Vision Bleak qui sort dans... Effectivement. Dans quelques dodos. Il va y avoir aussi Legion of the Damned avec un nouvel album... Ouais, mais. Mais j'ai entendu une pièce. Il est reporté, là. Il est reporté. J'ai entendu une pièce. C'est du Legion of the Damned, mais malheureusement, le nouveau guitariste est allé sacrer des solos de guitare. Ou s'il n'y en a pas de besoin. Ou s'il n'y en a pas besoin. Legion of the Damned était reconnu pour ne pas mettre de solos de guitare. Ouais. Là, il a mis des solos de guitare, puis je pense qu'ils se l'ont fait dire. OK. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont dit, ouais, c'est correct, la toune, mais solos de guitare pas fort. OK. Fait que c'est peut-être pour ça qu'il est reporté. Ils vont peut-être enlever ses solos. Ça se peut, mais c'est reporté. Je m'attends. Il était supposé être sorti, cet album-là. Oui. Mais c'est reporté. Bon, mais c'est assuré. Parce que le type de solo que le guitariste a mis dessus, c'est ces types de solos de groupe de death metal mélodique, là. Tu sais, là. Ah, non. C'est poche, là. Ah, non. La tune est très bonne, mais à minute où ce qu'il met un solo de guitare, Legion of the Damned, t'as pas besoin de solo. Non. Effectivement. Laisse ça de même, point. Ouais. C'est un band cru, faut que ça reste avec les côtés pas trop sablés. C'est ça. Effectivement. Donc, sur ce, mon cher, qu'est-ce que tu nous proposes maintenant? Ben, ce genre d'inspiration Grand Prix, vous voyez. OK, oui, je te suis, là. Quand j'ai fait ma playlist, c'est... Mais quand tu dis Grand Prix, faut que tu parles du Grand Prix automobile, là. Grand Prix de Trois-Rivières. Le Grand Prix de Trois-Rivières, les courses automobiles. Le GP 3R. Oui. Faut dire à nos chers auditeurs que où est-ce que j'habite à 250 pieds de la piste. Donc, moi, pendant 4 jours, j'ai senti des effluves d'essence, de tailleurs brûlés, mais surtout, j'ai entendu du décibel négatif. Et Sinistros habite tellement proche de la piste que les pilotes arrêtaient chez lui pour aller aux toilettes. Oui, bien, quasiment. Dimanche après-midi, lorsque j'ai fait ma playlist, dimanche matin plutôt, c'était la grosse journée où il y avait toutes les formules Indy et les NASCAR et compagnie. Quand il y a les courses, ça dure 45 minutes une course, t'as une accalmie de 20 minutes. T'as 45 minutes de course, une accalmie de 20 minutes. Mais pendant le 45 minutes, on s'entend pas parler à l'intérieur de la maison. Donc, j'étais pas capable d'entendre mes pièces. Fait que je dis, moi, vous en mettre des violentes pour vous faire partager ma frustration de 4 jours de traduire le mot dans lequel je vivais. Oui. Puis cette année, je pouvais pas aller nulle part ailleurs parce qu'il y avait nulle part ailleurs pour tous les Guillaume du monde entier. J'ai été pris pour rester à Trois-Rivières dans mon chez-moi, mais on peut pas chialer contre ça, mais ça rapporte quand même 10-12 millions de 17 millions, 17 millions cette année, bon, 17 millions de retombées dans la ville. Donc, une fois par année, on peut s'en accommoder, et c'est correct. Et ça donne une playlist qui suit. Nous aurons du Aid, du Nile, Melekech, Eternam et Monolith Death Cult. Bon, on va savoir que... un petit bloc de pure tuerie totale. Ben écoute, de ce pas, nous allons aller écouter justement Aid, Aid une avec... très bonne formation italienne death oui, metal. Oui, avec Aid, avec The Endless Runaway. C'est tiré de l'excellent album Spartacus, qui est tiré sur un... sorti sur un excellent label canadien qui s'appelle Blasthead Records. Alors allons-y tout de suite. Aid, The Endless Runaway. Go! Thank you. 21h04. Et vous êtes toujours à l'écoute de Réanimation, The Undead Incorporated Show sur les ondes de CIFU 89.1 FM. Et vous êtes en compagnie de Sinistros et de moi-même, le candide Dr. Pendragon. Candide. Candide raton. Oui, c'est sûr, on allait dire candide raton. Candide. Candide raton. Bon, toi, Sinistre Goblin, là, qu'est-ce que t'as à nous raconter comme histoire? Ben, on vient d'entendre de Monolith Dead Cold. Ah, ça, j'aime bien. Excellente ça. Découverte pour ma part, cet été. Avec la pièce Todd Snack Von Stamein, c'est tiré de l'excellent album Tetragrammaton, qui est paru en 2013 sur Season of Mist. C'est très bon, ça. J'aime c'est excellent. J'aime beaucoup ça. C'est du métal, plein de fraîcheur. Oui, de rosé aussi. De rosé, de bleu. Et de comment dit ça, de croissant et de soleil pour déjeuner. Pour déjeuner, oui, c'est ça. Que je t'offrirai. Voilà. Et cet été, je ferai un jardin. Peut-être, ou je planterai des arbres, je sais pas. Eternam avec Xibalba sur l'excellent album Moon God qui paraît en 2012 sur Gully Records. Groupe cool. Qui nous avait fortement plu lors du dernier Metal Fest. Absolument. Melkesh, Defeating the Giants, tiré de Epigenesis, c'est paru sur Nuclear Blast en 2010. Melkesh, qui est en route pour nous sortir un nouvel album, et Ashmedi est rendu tout seul de son clan. Ben oui, c'est disait qu'il avait fait la clean-up, là, ouais. Là, c'est ça. Il va y avoir un nouveau band pour 2013, puis c'est peut-être le Dave Mustaine de Jérusalem, finalement. Sait-on jamais. Nile, avec The Inevitable, Degradation of Flesh, tiré de At the Gate of Setu de 2012 sur Nuclear Blast. Et Aid avec The Endless Runaway, tiré de l'excellent Spartacus de 2013 sur Blast Head Records. Bien bon bloc, ça, mon cher. Bien bon bloc, j'approuve et je seconde la motion. Ceci étant dit, n'oubliez pas que le Trois-Bières Metal Fest 13e édition aura lieu les 11 et 12 octobre prochains à la bâtisse industrielle. Ici même à Trois-Rivières, au 1760 avenue Gilles Villeneuve, sur deux soirs, 14 formations. Et vous pourrez voir les formations suivantes, soit le vendredi 11 octobre, le gagnant de Metal Academy, j'imagine que le nom sera révélé éventuellement, On Human, Hollow, Beyond Creation, Blackguard, Jungle Rot, Voivod et Suffocation. Et tant qu'au samedi 12 octobre, Hear My Words, Insurrection, Battle Cross, The Acacia Strain, Shadows Falls, Obituary et Hatebreed. Et le prix des billets est celui-ci, $35 chaque soir, soit uniquement, individuellement si vous préférez, et $60 pour le forfait des deux soirs. Rendez-vous sur le site de Trois-Rivières Metal pour avoir toutes les informations et les modalités de paiement et les endroits pour se procurer les billets. Ce n'est pas à manquer cette édition du Trois-Rivières Metal Fest. Des formations là-dedans que plusieurs d'entre vous n'auront probablement jamais vues. C'est ça. Pour le Metal Academy, si je me trompe pas, on va savoir à la mi-septembre qui sera le grand gagnant. Parce qu'il y a plusieurs soirées, dont il y en a une spéciale Trois-Rivières, qui est, je pense, le 30 août, qui met en vedette Ordox, Satanic Glow Sniffers et Outlying. Mais il y a d'autres soirées là à Montréal. Il y a une soirée trash, une soirée plus death, une soirée viking, black metal, etc. Là, d'accord. Ouais. Fait que j'imagine qu'il y a des rondes. Ouais, j'imagine que c'est là, ça. Et ça va finir par des demi-finales, des quarts de finale, puis bref, le processus habituel, c'est là, sûr, l'élimination. C'est en plein ça. Fait que le grand gagnant, ben, il va avoir le spot juste avant Onion. L'opening hack du, c'est ça. Voilà. Et BCI nous propose lundi le 16 septembre prochain à 20h au Foufounes électriques, Anathema, Alcest et Mammifer. Mammifer, je connais pas du tout ça. J'ai aucune idée. C'est peut-être un band local, j'ai aucune idée. Mammifer. Ouais, Mammifer. Avec, il y a Alcest aussi. Alcest est c'est là, assez ouais. Vaporeux comme musique, ça. Ouais. C'est au Fofone électrique le 16 septembre à 20h, au coût de $20 et $25 taxes incluses, réseau GTN. Et c'est le retour de Dayside au Club Soda en compagnie de Broken Hope, Disgorge et Necronomicon. Necronomicon, d'ailleurs, qui ont sorti un nouvel album. Il est sorti, je crois, oui. Il y a peu de temps, il me semble. J'ai pas eu l'occasion de l'écouter encore. Je pensais qu'il sortait comme incessamment, mais là, si tu me dis qu'il est sorti. Mais je pense qu'il est sorti. C'est à vérifier, mais il me semble. C'est au Club Soda, lundi le 7 octobre prochain, des Sides. C'est à 19h. C'est pour tous au coût de 25$ et 22 et 30 et 43 plus taxes. Et c'est bien en vente bientôt, donc ils ne sont pas encore disponibles. Et le Club Soda recevra présentation de BCI le samedi 30 novembre prochain, formation Hellstorm, Trollfest et Gypsy Hawk au coût de 23$ et 29$, taxes inclus. C'est pour tous, c'est billetterie du Club Soda. Voilà. Une tempête de bière, ça doit être. Oui. Mais le Rockmaster me disait que Hellstorm, c'était... Ah, let's go, là. Je pense que c'est ce band-là qui me disait qu'à la fin du show, le chanteur, il s'est fait porter jusqu'au bord en body surfing, je sais pas quoi. Mm-hmm. Parce qu'il dit, bon, take me to the beer. Mm. Puis il semble-t-il que Trollfest, c'est pas mal clown, là. Encore une fois, Alain les a vus. Je pense que Pagan Fest, c'est il était bien en abeille. En abeille. Ah oui, oui, il était bien en abeille. C'est le fun. Ouais. Fait que ça a l'air que c'est comme quelque chose d'assez farfelu. Écoute, je me rappelle, il m'a fait écouter du Trollfest, mais je crois pas que j'ai accroché là-dessus. Mais ce genre de musique-là, moi, folklorique, un peu destroy, j'ai un peu de misère là-dessus. Tu sais. OK. Bon, mais bon. Il reste qu'il y a certainement des gens qui vont aimer ça. 20h, 21h10 déjà, et je vais vous présenter mon dernier bloc, qui est mesure 12 pouces par 8 pouces par 6 pouces. Ouais, c'est en pince, ça, hein? Non, c'est en béton. Ah, c'est en béton. Hey, ouais. Tu prends des blocs assez pesants? Oui, oui, mais c'est parce que j'aime ça pour les renforts, tu sais. Demande-moi donc, j'enlève des poids, toi. Ben, des poids, c'est peut-être des petites cannes. J'enlève des cannes de poids. C'est ça, des cannes, des catégories A. On va entendre les formations Origin, Immolation, Suffocation, Sinister, mais débutons tout de suite avec la formation Grave et Winds of Chains, et non Winds of Change. Ne pas confondre, non, ça n'a aucun rapport. Grave, let's go! Thank you. 21h32. Ben, en fait, c'est pas compliqué. Il reste 28 minutes. Et on vient d'entendre formation Immolation, tirée du dernier album Kingdom of Conspiracy, la pièce The Great Sleep. C'est paru il y a, je dirais, quelques mois à peine sur l'étiquette Nuclear Blast et c'est un très bon album. Suffocation et la pièce Solemn Days que l'on retrouve sur la dernière parution également. Pinnacle of Bedlam qui est paru en 2013 aussi sur Nuclear Blast également. Sinister et The Final Destroyer tiré de l'album Carnage Ending de 2012 sur Massacre Records. Et on a ouvert avec Grave et la pièce Wind of Chains. Mais non, Change. OK. C'est pas du Scorpion, là, non. Surtout pas cette pièce-là de Scorpion. Winds of Chains, qui est tiré de l'album Endless Procession of Souls, qui est paru en 2012 sur Century Media. Ceci étant dit, je vous rappelle que la semaine prochaine, il n'y aura malheureusement pas, ou heureusement pour certains d'entre vous, d'édition de réanimation. Ils n'auront pas d'accès parce qu'il y aura des travaux de réfection qui vont se faire au niveau de... laboratoire. Voilà, c'est ça. Et des équipements qui étaient désuets, là. Ah quand, oui, j'ai fait des demandes, j'espère qu'on les avoir. Les demandes que t'as faites, t'as besoin de les payer, moi, je peux te le dire. Mais là, quoi? Une table d'écartèlement, c'est cool. Oui, mais les nouvelles tables sont très chères. Ben, je voulais avoir une pit and pen de l'homme, je dis, ouais, mais c'est pas donné, ça, sinistrose. Puis elle reflue comme défoncer le plafond de trois étages pour pouvoir le mettre, le maudit pendule. Ah, bon, on peut mettre un lift à la place, un lift d'un garage. Tu peux en avoir un, on peut, ça écartèle, ça aussi. Oui, c'est vrai que. Tais-toi donc, là. Il n'y aura pas d'édition de réanimation. On va être de retour, la semaine prochaine, on va être de retour le 27, avec, entre autres, la présentation du dernier album de Gorguts, ainsi que celui de Exhumed et... Ainsi que Tormented et Facebreaker. Voilà. Donc, reprenons nos bonnes vieilles habitudes. C'est à toi qu'il incombe de clore cette édition. Eh bien, oui. Et tu le feras avec quoi? Avec un bon bloc Death Trash qu'on va savourer en ce... En se jasant entre les tournes, finalement. Ouais, ça doit être ça. OK. Legend of the Damned, Cold Worker, Jungle Rot, Mortar et Insurrection pour clore réanimation en ce 13 août 2013. C'est cela. Alors, Legend of the Damned est la pièce Death's Head March qui est tirée de Malevolent Rapture, paru en 2006 sur Massacre Records. Allons-y tout de suite. Legend of the Damned. Go! I'm Thank you. What's up? Mortor. Qui ça, Mortor? Mortor. Qui tu traites de Mortor aussi, toi? Et mort, Mortorhead. Ouais. Mortor qui vient de Gatineau avec la pièce Eat a Lead. C'est tiré de l'album Show Them Up. C'est tiré en 2012 sous étiquette indépendante. C'était précédé de Jungle Rot avec State of War de l'album What Horror Awaits qui est paru en 2009 sur Napalm Records. Nous avons Cold Worker, Citizens of the Cyclopean Maze, tiré de l'album Rotting Paradise de 2008 sur Relapse. Cold Worker qui viennent tout juste de se séparer. Eh oui, malheureusement. Eh bien, c'est la vie. Legion of the Damned avec Death's Head March, tiré de leur premier album, Malevolent Rapture, paru en 2006 sur Massacre Records. Mais c'était pas le premier album du band en tant que tel, parce qu'ils ont évolué pendant une dizaine d'années sous le nom de Occult. Mm-hmm. Ils ont sorti 5 albums sous le nom de Occult. Ah, c'est 5? Oui, c'est 5. Ah ouais, c'est pas rien quand même. C'est pas rien, puis dans les débuts de Occult, il y avait une fille qui chantait avec eux autres. Oui, c'est vrai. Alors, c'est tout aussi excellent. Alors, l'émission tire à sa fin. Eh oui, t'as juste le temps de vous rappeler que c'est le Trois-Rivières Metal Fest qui tiendra son 13e événement les 11 et 12 octobre prochains à Baptiste Industriel. Des bands comme Suffocation, Viva, Jungle Rot, Hatebreed, Obituary, Shadows Fall, j'en passe, et des meilleurs, se succéderont sur deux soirées sur cette scène. Allez sur le site de www.troisrivieresmetal.com, vous allez pouvoir trouver toutes les informations en ce qui concerne les spectacles et bien entendu les billets et comment se les procurer. Et pour ceux qui suivent le site de Hurlemort, eh bien, le grand retour samedi matin avec des nouvelles chroniques. Samedi matin après les petits bonhommes. Après les petits bonhommes, bien important. La semaine prochaine, comme on vous l'a dit, il n'y a pas d'émission de réanimation. C'est pas parce qu'on veut pas, c'est qu'on peut pas. On va en avoir une le 27. On va avoir des belles présentations de nouveautés à vous faire. Et puis, probablement d'autres trucs tout aussi pervers à vous présenter. Eh bien entendu. Le temps de cesser sur une dernière pièce qui est ben, là. Une pièce d'un groupe qui fera partie du Trois-Rivières Metal Fest 2013, band de Gatineau. Non, on l'a passé. Ah oui, on l'a passé. Oui, okay, Insurrection, on l'a passé. Ah, ben, je l'ai pas dit d'abord. Oui, c'est ça. T'as oublié de dire que la dernière pièce, c'était Insurrection, c'était Mephisto. Ben, c'est ça. Mephisto, l'album prologue. Dernière pièce pour l'émission Origin, la pièce Conserving Death, tirée de Entity, qui est parue en 2011. On se revoit dans deux semaines sur ce. Allez tous vous faire foutre. Ben, bien entendu. Go!